Nosferatu le vampire, un roman fantastique de Hughes Shelton, d'après le film de Friedrich Murnau. Première partie. Au cours d'un séjour de 2 mois que nous fîmes dans les montagnes des Carpates, en 1904, nous entrâmes un soir chez une vieille paysanne qui voulut bien nous donner l'hospitalité et nous servit un généreux repas. C'était une femme intelligente, sachant beaucoup plus de choses que la plupart des gens du peuple dans ces contrées, et qui, à la fin de la journée, se mit à nous parler des souvenirs de sa jeunesse et, entre autres, de l'épidémie de peste qui dévasta Visborg en août 1838. Notre conteuse avait 8 ans à cette époque, mais sa mémoire était précise, et de plus, on lui en avait parlé si souvent depuis qu'il n'y avait pas un détail de cette année terrible qu'elle ne connut. La nuit était assez avancée quand elle se tut. Le lendemain matin, nous partions pour Visborg, même où nous trouvions dans les archives de la ville la confirmation des histoires de la paysanne. Ainsi donc, elle n'avait pas menti. L'effroyable récit qu'elle nous avait fait était exact en tout point. Nous revînmes jusqu'à son humble demeure et fiers de notre confiance. Elle voulut bien nous promettre que, puisque nous nous intéressions à cet événement ancien, elle nous donnerait un jour connaissance d'un livre précieux qu'elle avait entre les mains et qui relatait toutes les circonstances bizarres dont fut entourée l'épidémie de 1838 à Visborg. Des années passèrent. Nous ne pensions plus guère à la paysanne des Carpates. Quand, à la fin de 1920, nous reçûmes par la poste un cahier de 250 pages qui nous était adressé par les héritiers de la pauvre femme, laquelle, en ces derniers moments, n'avait pas oublié sa promesse. Et c'est ainsi que nous avons été en possession du journal de Jean Uther, citoyen de Visborg, marié dans cette ville en 1836 et qui mourut en 1850 à Galatz dans une maison d'aliénés. Mais le document que nous allons publier a été écrit au temps où Jean Uther était en pleine possession de ses facultés. C'était, on le verra, un garçon d'une rare intelligence dont le cahier de notes pourrait être signé par un Hoffmann qui n'eût pas eu besoin d'imagination pour être un terrifiant conteur. Jean Uther était d'ailleurs allettré. Il avait pris ses grades à l'université d'Augsbourg et il a laissé en outre 2 ouvrages sur l'histoire de la réforme à Vienne et sur la bibliothèque du château de Wittelsbach qui jouissent d'une certaine autorité auprès des spécialistes de l'histoire religieuse et de la bibliographie. Journal de Jean Uther. 15 février 1838. Je n'ai pas repris mon journal depuis mon mariage. Pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être parce que j'ai été trop heureux. Le bonheur n'a pas besoin de s'exprimer. Le fait que je me remette à noter ce qui se passe autour de moi ou en moi n'implique pas d'ailleurs que je sois malheureux maintenant. Mais j'avoue que depuis quelque temps, soit à cause de la santé de ma femme, soit à cause de certains événements qui me préoccupent, j'ai le sentiment qu'écrire au jour le jour mes souvenirs m'apportera un grand soulagement d'esprit. Hélène, ma femme, est la créature la plus exquise qui se puisse voir. Elle a 24 ans. J'en ai 30. On ne peut pas être mieux assorti. Elle n'a plus ni son père ni sa mère. Nous vivons ici chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Nous sommes la famille la plus unie qui soit au monde. Jamais une querelle, jamais une discussion. Hélène et moi n'avons jamais échangé un mot vif. Cependant, j'observe quelques changements dans notre intimité. Hélène, depuis 1 an, est devenue particulièrement nerveuse. Elle est souvent malade. Elle se plaint de souffrir de la tête. Elle pleure quelquefois sans raison et tous les mots que je peux trouver pour la consoler ne servent de rien. Que se passe-t-il? J'ai consulté plusieurs fois mon ami le docteur Bellower. Il m'a dit que cet état nerveux était peut-être dû à la fatigue du voyage que nous avons fait il y a 10 mois dans les Carpates et qui fut très mouvementé. Il a ordonné qu'Hélène reste longtemps couchée, qu'elle ait une vie très régulière et qu'elle lise aussi peu que possible. Elle suit les prescriptions de Bellower avec soin. Je prends moi-même les plus grandes précautions pour qu'elle ne s'écarte pas de son régime, mais je dois constater qu'elle ne va pas mieux. L'empêcher de lire est assez mal commode. Voilà une femme qui est seule une partie de la journée. Mon beau-frère est employé aux douanes du port. Ma belle-sœur s'occupe des soins du ménage. Moi, je vais tous les jours pendant plusieurs heures chez mon patron Knock et m'occupe des affaires les plus diverses. Quand elle n'a personne à côté d'elle et qu'elle est étendue sur un canapé ou sur son lit, Hélène se distrait avec des livres. C'est bien naturel. Mais j'avoue que ses lectures ont un caractère un peu particulier. Je la sais romanesque, aimant beaucoup les œuvres d'imagination, mais j'ignorais qu'elle s'intéressât étant jeune fille à des histoires de superstition ou à des choses de la cabale. J'ai été stupéfait de trouver l'autre jour entre ses mains le livre des vampires. Cela n'est pas fait pour me remettre d'aplomb. Je lui ai interdit de continuer de lire ce volume, mais je crois bien que, comme les enfants, elle le finira en cachette de moi. En somme, tout cela n'est pas bien grave, et je ne m'en inquiéterai pas outre mesure si je ne sentais se créer dans notre demeure jadis si paisible une atmosphère un peu étouffante. Moi qui aimais tant rester dans mon intérieur, j'éprouve quelquefois du plaisir à sortir. Je me promène le long du fleuve, je respire l'air embaumé de la nuit, je me sens vivre. Ce soir, j'étais faire un tour devant la grande maison abandonnée qui est de l'autre côté du fleuve en face de notre maison. Quel magnifique bâtiment, et quel dommage qu'on ne l'utilise point. Il est romantique à souhait. On y entend ululer les chouettes. Quel beau poème je pourrais écrire là-dessus si j'étais encore poète comme à 20 ans.